Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique. C'est parti. Salut Lynn. Salut Alessandra. Et salut Alina. Salut Lynn. Salut Alessandra. On est trop contente de t'avoir avec nous et ça faisait un moment qu'on espérait que tu allais venir nous parler de ta méthode de contraception alternative. Oui, je vais vous parler aujourd'hui de l'approche symptothermique. Yay. Donc ça va être un peu presque cours d'éducation sexuelle comme ça. Et avec Alessandra qui a préparé une petite intro, ou pas une petite, mais une intro, pardon, historique. Oui, j'ai un peu regardé, j'ai essayé de retirer le fil, en fait, de cette approche contraceptive. Et puis déjà, se rendre compte que c'est une préoccupation humaine très très ancienne, dont on retrouve des traces, en Occident en tout cas, dès la Grèce antique. Et si on trouve des traces de cette préoccupation, on trouve aussi des traces en fait de combats de femmes pour rétablir cette contraception en tant que droit. Donc toutes les contraceptions au fond. Le fait de pouvoir disposer de ton corps et donc d'avoir le plus de contrôle possible sur le rythme ou l'avènement de naissance. Y a par exemple, alors on n'a pas de traces plus anciennes, toujours avec cette problématique de l'histoire écrite, mais par exemple, il y a beaucoup de femmes qui étaient qualifiées de sorcières entre le 15e et le 17e siècle, justement parce qu'elles aidaient les femmes à contrôler les naissances ou alors à avorter. Il y a même eu en fait de nombreux interdits d'évoquer même la contraception, de l'encourager, d'en faire la propagande en quelque sorte, qui ont eu lieu aux États-Unis et en Europe au 19e et 20e siècle. Bref, de nombreuses luttes sur lesquelles on devrait revenir dans un prochain épisode. C'est clair. Parce que du coup, ça veut dire qu'au 19e, 20e, ok, mais au 19e, on avait déjà des techniques de contraception qui ensuite ont été, à un moment censurées. Alors tu verras, il y a des moyens très très anciens qui remontent bien avant le 18e siècle, mais il y en a d'autres qui ont été inventés à ce moment-là. Donc oui, il y a eu un discours qui est venu essayer de contrer des pratiques qui étaient déjà existantes. Mais même le fait de faire un coït interrompu, c'est une méthode très ancienne qui a pu être interdite par la religion catholique, tu vois. Mais c'est aussi intéressant de juste avoir une petite pensée à toutes ces mobilisations de femmes et d'hommes qui ont combattu pour ce droit, parce qu'en fait, grâce à elles et eux, on peut en parler tranquillement aujourd'hui au micro. Alors on va en profiter. Et puis j'ai été voir un peu comment ça se passait aussi dans une préoccupation un peu plus mondiale de la situation de la contraception. Et alors quelques chiffres publiés par l'OMS qui évoquent 225 millions de femmes dans les pays non occidentaux qui auraient ce désir ou ce besoin d'éviter ou d'espacer les grossesses, mais qui n'utilisent aucune méthode de contraception pour différentes raisons. Le choix limité des contraceptions, des méthodes, l'accès limité en particulier chez les jeunes, les groupes de population les plus pauvres ou les couples non mariés, la crainte ou l'expérience d'effets secondaires, l'opposition culturelle ou religieuse, la médiocre qualité des services disponibles. Tout un faisceau de facteurs qui font qu'on doit bien penser que ce droit-là, il est très variable suivant les époques, mais aussi suivant les pays. Il y a l'Institut national français d'études démographiques qui évoque le fait que la pilule et le préservatif masculin sont privilégiés dans les pays développés, alors que c'est la stérilisation féminine et le stérilet qui l'est dans les pays qu'on nomme assez atrocement des pays en développement. Il y a quand même un truc avec la stérilisation. Quand tu en parles là, que c'est dans certains pays, on se demanderait aussi, est-ce que c'est quelque chose qui est un premier choix, ou est-ce que c'est un deuxième choix, ou est-ce qu'on a déjà eu peut-être un certain nombre d'enfants et on veut absolument pas en avoir plus, donc on va se faire stériliser. Tout à fait, puis il faut aussi se souvenir que ça rapporte pas grand-chose, en fait, la stérilisation par rapport à la pilule, qui est un marché énorme, donc c'est aussi quel moyen va être le plus médiatisé, c'est celui qui rapporte le plus. Mais je trouve que c'est bien que tu en parles, parce que souvent quand on pense à... Parce que souvent, quand on parle de la contraception, on ne pense pas à la stérilisation comme un moyen, en fait. Et ça, moi, j'ai assez apprécié la dernière fois que j'ai été chez la gynéco, où elle m'a présenté vraiment tous les moyens de contraception qu'elle avait disponibles et qu'elle proposait à ses patientes, dont la stérilisation. Donc ça, oui, ça c'est effectivement, je pense, original qu'elle t'en parle à ton âge, parce que c'est vrai qu'il y a cette idée d'un parcours tracé où une jeune femme va passer, ou en tout cas tenter de passer par une étape de mise au monde, quoi. Comment on appelle ça, une étape reproductive. Voilà, reproductive. Oui, et puis c'est aussi très ancré dans les politiques publiques aussi de gérer la sexualité des gens. Moi, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu as dit avant. J'avais lu un bouquin, bon, c'était il y a longtemps, et ça se passait en Inde dans les années 70. Il y avait eu des vagues de stérilisation forcée des hommes très, très violentes, où ils prenaient juste les gens dans la rue, dans des camions, et leur faisaient faire une opération de vasectomie sans leur demander leur reste, sans savoir s'ils avaient des familles, s'ils étaient mariés, s'ils voulaient des enfants. Donc il y a aussi après des actes de violence comme ça. Ouais, peut-être que tu y reviendras. Oui, je peux l'évoquer tout de suite parce que c'est vrai que par rapport à cet usage, donc rappeler juste que c'est pour les femmes la ligature des trompes. Et puis, donc, autrement, on parle de vasectomie pour les hommes. Donc, en fait, techniquement, c'est possible depuis 1890. On sait faire ce geste chirurgical. Mais effectivement, c'est réservé dans un premier temps aux déficients mentaux ou pour des raisons d'eugénisme. Et ça, ça a traversé également l'Europe. Et puis, c'est qu'à partir des années 60 que se répand en fait une pratique volontaire de stérilisation. Mais d'ailleurs, il y a l'Office fédéral FIS qui a publié des chiffres qui datent de 2012, mais qui ont été publiés en 2016 sur l'usage de contraception en Suisse. Et puis bon, déjà dire que cet office, c'est pas la première fois qu'on regarde leurs statistiques. Ils auraient peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour fournir des statistiques un peu moins genrées, parce que là, vous verrez sur le pod, il y a les statistiques séparées femmes-hommes. Donc en fait, par exemple, une femme hétéro qui utiliserait avec son ou ses partenaires le préservatif masculin comme contraceptif, ça n'apparaît pas dans le tableau. Ou à l'inverse, un homme hétéro qui utilise la pilule de ça ou ses partenaires comme contraception, non plus. C'est que ce qui va dans ou sur ton corps. Voilà, exactement. Mais alors, d'après ce tableau, donc pour les femmes, donc en Suisse, le recours à la pilule est majoritaire. Il parle de 27%, le stérilet 14%, les autres méthodes hormonales 6% et les méthodes naturelles dont on parlera après, un 3,9%. Et donc, il y a environ 50% des femmes, ben, en fait, je ne sais pas ce qu'elles font de leur corps et de leur capacité reproductive. Mais elles font des enfants, c'est ça qui... Alors, tout est possible, justement. Elles font des enfants ou elles utilisent le préservatif. Non, oui, non, c'était une tentative de blague, mais ça peut être moins. Ah, bon. Et puis, ben, les hommes helvètes, préservatifs à 37%. Donc là aussi, il reste un 60% de pratiques mystérieuses. Et puis, le seul chiffre qui est conjoint aux deux catégories de sexe, c'est justement ce recours à la stérilisation qui est de 11%. Quand on parle maintenant, juste pour un peu préciser, donc notre discours-là s'inscrit dans quelque chose de très hétéro-centré. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas aborder l'usage de contraceptifs pour d'autres motifs qui seraient la régulation des cycles. Pour quelles raisons on pourrait prescrire encore Pour l'acné, voilà. Pour des problèmes de peau. Donc là, on est vraiment centré sur l'aspect reproductif, donc, et reproductif entre guillemets naturel. Donc effectivement complètement centré dans des pratiques hétérosexuelles. Mais pour revenir au niveau historique, je suis tombée sur un article qui était écrit par Caroline Rusterholz, qui est docteur en histoire à l'Université de Fribourg, et puis qui justement a brossé un rapide historique des quatre catégories de contraception. Donc on a évoqué la stérilisation, il y a encore donc les méthodes chimiques, les méthodes mécaniques et les méthodes naturelles. Dans les méthodes mécaniques, donc c'est le préservatif, hein, qui est le moyen le plus ancien, qui semble aussi dater de l'Antiquité. On trouve une évocation littéraire de ce moyen de contraception par Gabriel Fallope, qui était l'anatomiste... Non, mais c'est marrant, mais c'est les trompes de Fallope. Oui, c'était donc un anatomiste et chirurgien italien du XVIe, donc effectivement, c'est lui qui a donné son petit nom avec un cheveu sur la langue à nos trompes. Non, mais je trouve marrant parce qu'en fait, pour nous, c'est drôle, mais pour lui, c'était pas drôle. Enfin, ok, je sais que tout le monde a compris ça, mais j'aimerais bien juste le préciser. C'est un rire anachronique, c'est ça que tu veux dire. Oui, puis aussi, c'est lui qui a, par exemple, relevé l'analogie structurelle entre le clitoris et le pénis. Bon. Donc, ce Fallope, il définit à l'époque le préservatif comme un petit capuchon de lin pour le gland, destiné à prévenir les infections. Et ça, justement, ça illustre le premier usage du préservatif, qui était peu répandu d'ailleurs dans une sexualité conjugale, puisqu'il était associé aux maladies vénériennes et donc à la prostitution. Et alors, l'usage du préservatif va connaître des hauts et des bas en fonction du contexte. Par exemple, les épidémies de maladies vénériennes, comme celle de la syphilis au XVIe siècle, ont beaucoup contribué à son expansion. Bah aussi pendant les périodes de guerre où il était chaudement recommandé aux soldats dans leurs ébats avec les prostituées. Par exemple, l'Allemagne nazie interdisait carrément le préservatif au sein de la famille, pour justement dans l'idée de mettre le plus au monde d'enfants dits de race supérieure. Mais le fait qu'il soit recommandé des plus vivement aux soldats, c'était pour pas risquer de décimer les troupes en fait. Et donc 1844, Goodyear qui développe le caoutchouc vulcanisé, qui ne va pas servir qu'à la fabrication de pneus. Donc c'est parti, on oublie les boyaux animaux pour utiliser ce nouveau matériau plus hygiénique, plus résistant, et commencer à le produire en masse. D'ailleurs une production qui connaît un sommet pendant l'épidémie du sida dans les années 80. Comme à chaque épidémie, précise cette Caroline Rusterholz, la sécurité et la prévention prennent le pas sur la contraception. Puis c'est d'ailleurs à ce moment-là, au moment de cette épidémie, qu'il sera progressivement considéré comme une méthode légitime des contrôles de naissance, ce qui n'était pas le cas avant. Pour les anatomies féminines, il y a aussi ce qu'on appelle un pessaire. J'ai découvert ce mot. C'était un dispositif conçu au XIXe siècle pour soutenir l'utérus, en fait, qui pourrait descendre dans le vagin après les accouchements, puis qui a eu aussi des applications contraceptives. Il y a les diaphragmes qui ont été inventés en 1882, les stérilets inventés en 1928 et aussi les préservatifs féminins. Ah, le stérilet déjà en 1928. T'as vu ça? Ouais. Bon, les diaphragmes aussi, 1882, je trouve intéressant qu'en fait il y avait une préoccupation de pouvoir agir sur les corps féminins et masculins, tu vois. Mm-hmm. Mais justement, moi j'aimerais bien que tu m'expliques ce que c'est, diaphragme. Le diaphragme, c'est un, sauf erreur, c'est un anneau, ouais, en fait assez souple, qui entoure une membrane, que tu vas un peu torsader en 8, ouais, pour te l'introduire dans le vagin, la redéplier, et puis ça fait un... Il faut mettre du spermicide dessus, okay. Je crois que ça suffit pas mécaniquement. Et donc à chaque pratique ou bien tu le mets... À chaque pratique, non, c'est, okay, c'est pas une installation, c'est pas comme un stérilet, ouais, que tu vas t'installer puis avoir okay, la chance de pouvoir éventuellement l'oublier. Non, ça, le diaphragme, c'est justement un équivalent d'un préservatif. Mais je crois que tu peux le mettre un peu avant par contre, tu vois. Ouais. T'es pas obligé, comme le préservatif masculin, que le partenaire ait une érection pour pouvoir le mettre. Ouais. Tu peux le mettre avant la rencontre. Ok. Bon, après, il y a encore, avant de venir aux approches naturelles, il y a les approches chimiques. Donc, en fait, elles apparaissent autour de 1900 avec les ovules, les crèmes et les gelées spermicides qui sont inventées à ce moment-là. Puis, ces méthodes, elles sont diffusées au début du XXe siècle en Suisse romande par le mouvement néo-malthusien, qui est en fait une idéologie qui visait à ajuster la population aux besoins et aux possibilités de l'économie. Alors, il y avait des disciples de cette approche, de Malthus, qui ont diffusé dès la première moitié du XIXe siècle des informations pratiques sur les moyens de contraception, mais c'est contraire au dogme catholique, qui du coup, c'est un mouvement qui sera par exemple durement réprimé dans le canton de Fribourg et de Vaud. Et puis de toute façon, au niveau suisse, le code pénal de 1942, qui sera en vigueur jusque dans les années 80, entrave par son article 211 la publicité et l'information, tu vois, sur les produits contraceptifs. Ah ouais. Là, c'est fou, ça. 1980. Ouais. 1980. Mm-hmm. Donc, on est légal dans notre démarche depuis pas longtemps. Mm-hmm. Et puis, enfin, concernant la pilule, donc elle est née de l'évolution de la recherche scientifique sur les hormones. Il y a en 1919 un Ludwig Haberland, qui est un endocrinologue autrichien, qui va produire de nouveaux savoirs en injectant des hormones à des animaux et puis, du coup, constater l'absence de fertilité. En 1951, il y a Gregory Pincus, qui est relativement connu, qui se rend compte que la progestérone empêche l'ovulation, donc il commence alors des recherches sur les hormones synthétiques. Et dès 1957, il y a la pilule Enovid, qui est distribuée par les médecins, mais cette fois pour régulariser les règles des femmes, pas tellement pour empêcher leur fécondité, en fait, mais plutôt la favoriser. Parce qu'on prescrivait aux femmes cette pilule pendant une courte période, avec la consigne de l'arrêter rapidement, ce qui devait favoriser leurs chances de tomber enceinte. Mais c'est, je trouve vraiment intéressant parce que l'endocrinologie, c'est vraiment... c'est quelque chose qui est tellement présent dans l'histoire du XXe siècle et qui s'est tellement inscrit Mais tu vois, de l'idée des sciences, que les sciences ont des femmes, tu vois, ou du corps féminin, est vraiment, au XXe siècle, tellement accompagnée de cette science de l'endocrinologie. Et justement, il y a Nancy Hutshorn, qui est une chercheuse américaine, il me semble. Elle a fait l'histoire, justement, de cette branche scientifique, si jamais, super intéressant. Mettra les références... Bah, cet article, cette recherche, elle est passionnante parce qu'elle démontre comme il n'y a rien d'évident dans le fait que les femmes seraient plus sensibles aux hormones que les hommes. Et au contraire, c'est le résultat de toute une construction de savoir en lien avec des entreprises qui disposaient des matériaux qu'on pouvait analyser pour ces recherches. Enfin, voilà, il y a toute une écologie scientifique qui est dévoilée à travers l'histoire de la connaissance des hormones. Ouais, c'est vraiment hyper bien. Justement, toute cette... aussi cette imbrication de la technique et des technologies dans voilà, l'étude de la sexualité, des corps et tout ça, c'est hyper... Non, puis c'est bien écrit, quoi. C'est assez accessible. Comme... Et ouais. Puis, est-ce que tu sais quand est-ce qu'on a développé des hormones contraceptives pour les hommes? Parce que ça existe aussi. Alors, enfin, ce genre de recherche pour une même application que pour les femmes, mais aux hommes. Je ne crois pas que j'ai d'historique. J'ai un peu regardé ce qu'il y avait un peu de disponible sur le marché, mais je ne sais pas justement à quel moment ces recherches ont commencé. Mmh. On parle de choses, bah, ça va du slip chauffant que dont certains hommes promeuvent vraiment très énergiquement. Ouais, d'ailleurs, on ne devrait pas en rigoler. Hein. Non, c'est le mot en fait, slip chauffant, ça peut être un super héros, tu vois. Slip chauffant. Il y a aussi une technique, pour montrer aussi les différences, il y a une technique contraceptive qui fonctionne en fait par injection hebdomadaire, qui reste hyper confidentielle, alors qu'elle a été validée par l'OMS. On parle aussi d'un vasagel, qui aurait une action réversible, sans hormones, et qui s'injecterait dans le canal déférent pour bloquer les spermatozoïdes. Et ce vasagel, on annonce en fait sa sortie sur le marché en 2017. Mais on se rend compte qu'il y a eu très souvent des annonces concernant ces contraceptions masculines qui n'ont pas abouti en fait. Alors, est-ce que ce vasagel va augurer d'une nouvelle ère? On verra. Mais pour en revenir à la Suisse, c'est en fait en 1961 que la pilule elle est enregistrée par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments sous le nom de Anovelar. Alors là aussi, directement, en fait, elle peut être que prescrite par ordonnance médicale, ce qui pose aussi la question de l'application, enfin, du fait que c'est le corps médical qui va faire l'interface entre la substance et sa prescription. Donc là aussi, avec les filtres personnels de ces médecins, leurs croyances, leurs représentations. Et puis bon, comme d'habitude en Suisse, c'est les cantons qui peuvent légalement décider à cette époque, ça a été instauré comme ça, qui peuvent légalement décider de sa distribution et de l'autorisation de délivrer les médicaments. Donc là aussi, il y aurait une histoire plus fine à faire au niveau cantonal de est-ce que tous les cantons sont rentrés dans la danse en même moment ou pas. Bon, alors il y a aussi les différents implants, patchs, injections, mais en fait, vous trouverez toutes ces informations sur le post-pod. Pour terminer en beauté avec les approches dites naturelles, donc où il n'y a pas d'intervention chimique ou mécanique, donc on a évoqué avant, il y a le fait d'interrompre le coït de la part des hommes, il y a évidemment l'abstinence, mais en fait c'est la découverte de l'ovule humain qui date de 1827, et puis la découverte de la période de stérilité chez les mammifères en 1845 qui ont permis de commencer à élaborer l'idée d'une période de stérilité qui précéderait les règles. Et il faudra attendre la découverte du gynécologue japonais Ogino en 1924, puis sa confirmation par le gynécologue autrichien Knaus en 1928 pour que la période de l'ovulation soit identifiée de manière plus précise. Et ça a donc débouché sur cette méthode dite Ogino-Knaus qui consistait à pratiquer l'abstinence pendant les périodes à risque. Cette méthode, elle est vulgarisée en 1933 en France, et puis elle devient à partir des années 1950 la seule méthode de limitation de naissance autorisée par l'Église catholique. Elle était très critiquée par la suite pour son manque d'adaptation au rythme féminin individuel. Mais dans cette mouvance, il y a des chercheurs catholiques qui en fait ont cherché à joindre l'idéologie vaticane avec un contrôle des naissances dites naturelles qui ne serait pas révoqué par le Vatican. Donc il y a eu tout un mouvement de recherche qui s'est installé dans ce contexte. Et en fait, la méthode dont il vient nous parler aujourd'hui fait référence aussi, je suis allée voir sur le site de la Fondation Suisse Symptotherme, font référence à ses origines historiques de recherche catholique. Mm-hmm. T'en avais entendu parler ? Ouais, la personne qui m'avait introduite à la méthode symptothermique, c'est une naturopathe qui travaille ici à Genève, m'en avait parlé, il me semble. Mais c'était il y a 4 ans et je ne me rappelle pas exactement dans quel terme. Mais raconte-nous un peu comment t'es venue à rencontrer cette méthode. Oui. Peut-être que je vais faire un retour sur mon parcours personnel de contraception. Parce que, en fait, j'y suis pas arrivée par hasard. Enfin, je veux dire, j'ai eu différents modes de contraception avant de me décider à faire. À utiliser une méthode naturelle, enfin dite naturelle. Et du coup, j'ai commencé très jeune à prendre la pilule. Enfin, très jeune, c'est relatif, mais pour des raisons de contraception, donc. Et j'avais pas. Donc, j'ai commencé à 15 ans, on me l'avait prescrite. Et puis, j'avais pas été réglée depuis très longtemps. Enfin, genre, j'avais eu des règles régulières, quelque chose comme moins d'1 an, mais plus de 6 mois. Et donc, j'avais été voir une gynécologue pour la contraception. Et elle m'avait tout de suite prescrit la pilule. Elle m'avait pas parlé d'autre chose. Elle m'avait dit, voilà, c'est ça. Pour les jeunes femmes, c'est très, très fréquent qu'on prescrive directement la pilule. Donc, j'ai pris cette pilule quelque chose comme 2 ou 3 ans. Après, j'ai voulu arrêter parce que j'avais plus de partenaire régulier. Voilà, je me disais, bon, j'arrête. Et puis, là, j'ai pas eu mes règles. Et donc, je m'inquiétais. Donc, je suis retournée voir ma gynécologue qui m'a fait des tests sanguins, bon, déjà pour voir si j'étais pas enceinte, c'était pas le cas, et qui m'a dit, voilà, votre taux d'œstrogène, mademoiselle, est extrêmement bas, donc la solution que je vous propose, c'est que je vous mette sous pilule indéfiniment jusqu'à ce que vous vouliez des enfants. Et vous allez devoir prendre des hormones toute votre vie, même pour procréer. Et alors ça, quand on m'a dit ça, je devais avoir 16 ou 10, non, 17 ans, ça m'a fait un choc, parce que c'était dur, en fait, d'entendre ça, d'entendre... Voilà, tu peux pas en fait procréer, ton corps est pas assez fort, ton corps n'arrive pas à faire un cycle complet. Et c'était vraiment dur de l'entendre à l'époque. Et puis bon, j'ai dit d'accord, on va faire ça, je vais prendre cette pilule, je vais continuer même si j'ai pas de relation, même si j'en ai pas besoin pour des raisons contraceptives. Et continue. Bon, après évidemment j'en avais marre d'avaler tous les jours quelque chose, donc je suis passée à l'anneau les 2 dernières années où j'ai pris des hormones. Et puis là, en fait, c'était un oubli de ma part. Je partais en fouille au Soudan, donc où j'avais aucune chance de me procurer un anneau, hein, 0, et je l'ai oublié. Et pourtant, le jour d'avant, je me disais, il faut que j'y pense, il est au frigo, parce que ça se garde au frigo, enfin bref. Pense-y, et j'arrive à l'aéroport et je me dis, bam, mince, j'ai oublié mon anneau. Et je partais 6 semaines, et donc j'avais besoin de le changer au milieu de ces 6 semaines. Et puis, ben, je suis rentrée. Et je me suis dit, bah voilà, c'est le moment de trouver autre chose. T'en as marre depuis en fait 2 ans à peu près. Donc t'arrêtes. Et c'était une année sabbatique où j'avais le temps de m'occuper de moi, de prendre le temps de réfléchir sur la suite. Et donc là, j'ai fait beaucoup de démarches parce que comme j'avais cette espèce de petit trauma, je ne suis pas capable d'avoir un cycle qui va se mettre en place tout seul. Je me suis dit, ok, on va prendre le taureau par les cornes. Je suis allée voir un acupuncteur qui est spécialiste là-dedans, qui travaille à Genève, une réflexologue aussi très compétente avec qui j'ai travaillé là-dessus, et une naturopathe qui connaît la méthode symptothermique, dont j'avais entendu parler par une autre amie à moi qui la pratiquait depuis plusieurs années. Et donc, j'ai vraiment tout mobilisé. J'ai mis toutes les chances de mon côté. Mmh. Et en fait, c'était assez chouette parce qu'au bout de 3 mois, j'ai eu mes règles, ce qui est absolument normal quand on arrête la pilule. Beaucoup de femmes n'ont pas leurs règles tout de suite et ont les règles après quelques mois. Donc, j'étais tout à fait, en fait, on va dire, normale, avec beaucoup de guillemets. Hein. Mais ça m'a vraiment mise en joie. Je me rappelle, j'étais un séjour à l'étranger pour un colloque et j'étais vraiment tellement heureuse d'avoir mes règles. En fait, ça faisait presque 9 ans que j'avais pas eu des règles naturelles. Et c'était tellement beau et j'avais l'impression d'avoir 14 ans et genre mes premières règles. Et c'était trop bien. Et du coup, voilà, ça c'était hyper chouette. Mais moi, justement, tu parlais avant de ce truc, t'as choisi de prendre l'anneau à un moment parce que tu voulais plus avaler un truc tous les jours. Et moi, vraiment, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté la pilule il y a maintenant un bon moment, mais j'en pouvais plus, en fait, de prendre un médicament chaque jour. C'était, symboliquement, c'était terrible, quoi. Moi, j'ai trouvé ça d'une violence extrême, de devoir prendre quelque chose tous les jours. Et surtout, ça, bon, bah, ça passe par tout l'organisme. Donc, c'est néfaste pour l'ensemble de l'organisme humain, enfin féminin. Et le foie est surchargé par ces hormones. Et donc, j'étais quelqu'un qui était aussi très propice aux nausées, aux vomissements. Et depuis que j'ai arrêté, c'est clair que je me sens beaucoup mieux. Après, déjà, avec l'anneau, ça allait mieux parce que c'est une diffusion d'hormones locales. Mais après, il y a des soucis aussi de ben, ça s'enlève, ça se remet, ça peut s'oublier. Donc là, il y a une, peut-être un peu un stress en plus. Mais oui, voilà, c'était... Mais raconte-nous, du coup, parce que ce n'est pas forcément une méthode qui est très connue, dans les détails, voilà, quelle est ta responsabilité dans cette approche? Oui, j'y viens. Donc ouais, je peux vous expliquer la méthode symptothermique. Donc elle se base sur deux choses, sur les symptômes et sur la température. C'est pour ça qu'elle s'appelle approche symptothermique. Et donc les deux méthodes de contraception dite naturelle existent séparément, mais elles sont pas super, comment on peut dire, fiables. Donc séparément, mais croisées, on atteint un taux de fiabilité qui est vraiment aussi élevé que celui de la pilule. Et donc, l'idée, c'est d'observer son cycle et d'observer des symptômes et puis de prendre sa température le matin durant les deux premières semaines du cycle. Enfin, après les règles, en fait, et jusqu'à l'ovulation. Donc, en fait, c'est pas deux semaines, c'est une semaine, 10 jours. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé l'ovulation, il y a une phase d'infertilité jusqu'aux règles, si l'ovulation est bien déterminée. Et donc là, jusqu'à la fin, en fait, des règles, à peu près. Tu auras un pic de température au moment de l'ovulation? Voilà, donc en fait, je peux vous décrire ça comme ça. Le premier jour des règles marque le premier jour du cycle. Jusqu'au jour 6-7, on est infertile. Si on a déterminé une ovulation au cycle d'avant, sinon... Parce que c'est ça, on peut avoir des saignements qui sont pas forcément liés. Non, On peut avoir des saignements, même si on n'a pas ovulé. Voilà. Il y a une tentative d'ovulation, mais on peut quand même avoir des saignements. Et peut-être que la tentative d'après se trouvera exactement au moment des saignements, mais on ne va pas pouvoir l'observer vu qu'on saigne. Donc on peut ovuler pendant ces règles. C'est ça aussi, c'est qu'on ne le sait pas. Mais bon. Donc ouais, admettons... Ça justement, moi j'ai pas mal entendu ce truc... Non, mais moi, j'ai mes règles, je ne suis pas fertile. Puis t'es ouais. Donc, en fait, si on a une ovulation qui est déterminée au cycle d'avant, si on a notre premier jour de règles, c'est le premier jour du cycle. Après, jusqu'au jour 6-7, on est infertile. Et puis là, après, commence la période de fertilité. Donc, on commence à prendre sa température à ce moment-là. On a des températures régulièrement qui sont basses, qui est aussi autour de 36 ou 36,3, en tout cas dans mon cas. Et c'est un thermomètre spécial qu'on utilise avec deux décimales. Donc c'est un thermomètre plus précis que juste pour prendre sa température pour la fièvre. Et puis, on va observer les symptômes, donc soit sur sa vulve, soit dans son vagin au niveau du col de l'utérus. Et ça, on peut faire une autopalpation du col de l'utérus pour aller à la source directe du symptôme. Et là, on va toucher et on va trouver la glaire cervicale. Ce qu'on appelle la glaire cervicale, mais qu'on peut aussi appeler élixir de vie, selon les approches. Moi, je relève que aucun des deux me convient. Voilà. Élixir de vie. Mais est-ce qu'on peut appeler... Moi, j'appelle ça de l'élixir ou de la glaire cervicale, en fait, c'est égal. Donc, on a cette chose entre les mains. Donc, il s'agit de faire une autopalpation du col de l'utérus et de voir le niveau de fertilité de ce qui ressort. Et puis, on va avoir quelque chose... Mais ce sera au niveau de la consistance, au niveau de la consistance, de la couleur, et voilà, c'est essentiellement ça. Donc, on a quelque chose de plutôt sec et collant au début, et puis de plus en plus liquide, transparent, qui ressemble à du jaune d'œuf, qui est étirable jusqu'à 7 cm entre deux doigts. Ça se voit que c'est fertile, en fait. Et ça, c'est de la nourriture pour les spermatozoïdes. Donc, en fait, c'est ça. Donc, si vous avez un rapport au moment où vous commencez à avoir ces liquides très, très fertiles qui montrent votre fertilité, les spermatozoïdes peuvent vivre et survivre jusqu'à 7 jours dans votre utérus parce qu'ils ont à manger jusqu'à l'ovulation. Et donc, c'est ça. C'est pour ça que les 7 jours avant l'ovulation sont déjà, en fait, potentiellement fertiles, ouais. Très fertiles. Et d'ailleurs, c'est là qu'on commence à produire cette chose. C'est fou, ça, parce que moi, j'avais jamais entendu ça avant que tu me le racontes. Mm-hmm. Je te fais tout court. Ouais, c'est dingue. Et après, il y a aussi donc, l'autopalpation du col. C'est aussi utile parce que le col est mou. Et le col en lui-même, on peut le toucher, hein. Il est ouvert et mou comme la lèvre quand il est fertile, et il est dur et fermé et dur comme le nez quand il est infertile. Et donc ça, c'est aussi très clair, c'est-à-dire qu'on peut le toucher tous les jours et qu'on commence à développer une sensibilité à ce niveau-là, où on sait, voilà, on a le col qui s'ouvre, il est mou, c'est liquide, on a des sensations aussi de mouillé. Mmh. Et donc là, on peut se dire, ouais, voilà, là, je suis dans une phase fertile. Et puis après, on a un pic. Alors après, aussi, un pic d'œstrogène. Donc, on pète la forme, on est hyper belle, on déménage tout, on peut tout faire, et c'est génial. Et donc, du coup, ça, c'est l'ovulation. Genre, les 3 jours vers l'ovulation, c'est le top niveau. Et du coup, c'est hyper drôle parce que tout te réussit à peu près. C'est assez fascinant d'observer ça aussi, c'est toujours assez drôle. Mais c'est trop bien que toi, tu as cette pratique de t'observer, ouais, ton corps, et que tu puisses ensuite aussi voir, tu vois, comment, genre, psychiquement ça te fait, quoi, ou genre les énergies que ça amène. Mm-hmm. Parce que parfois on peut être, genre, on est super, mais on se dit, enfin, on sait pas trop pourquoi, puis là, t'as vraiment, ça s'ancre un peu dans ton corps. Alors bon, on peut pas tomber dans l'excès inverse, qui est de se remettre dans une pensée un peu de l'œstrus, c'est-à-dire qu'on serait dirigé par un instinct de procréation immense et qui nous résumerait. Mais ce que je trouve aussi de très intéressant, c'est qu'en fait, on donne toute cette lecture émotionnelle du cycle, mais liée vraiment au jour de règles et dans un sens négatif. Donc voilà, elle est de mauvaise humeur, enfin, on va pas ressortir tous ces stéréotypes. Tandis que là, toi, tu évoques effectivement une notion de cycle, mais dans une dimension positive. Donc c'est-à-dire que tu remarques à un moment donné que tu as un regain d'énergie, et tu vois, non pas l'inverse. Mm-hmm. Oui, exactement. Bah, alors moi, je n'ai pas justement des problèmes au niveau de mes règles, mais j'ai des chutes, évidemment. C'est qu'après l'ovulation, le jour où je recommence à produire de la progestérone, le jour de transition entre la production d'œstrogène et de progestérone, c'est peut-être 2 jours comme ça, une phase de transition où il ne se passe plus grand-chose, là, c'est assez dur pour moi. C'est juste 1 ou 2 jours où je suis un peu, voilà, mais je sais d'où ça vient. Du coup, je relativise, évidemment. Et donc, j'ai pas fini d'expliquer peut-être que je continue d'expliquer la méthode. Donc, dès le moment où on a ces choses très fertiles, toujours avec des températures basses, le lendemain, on n'observe plus rien. C'est-à-dire que le col, il est dur, fermé, sec. On va observer un genre de glaire qui est un peu jaune, cassant, gluant, collant, mais rien à voir avec ce qu'on a pu voir le jour d'avant, qui était extrêmement fertile, étirable, blanc d'œuf, enfin très très transparent et tout ça. Et donc, à partir de là, il faut faire bien attention aux températures parce qu'elles vont monter. Et donc, on va observer 3 températures hautes, de plus de 2 dixièmes, là je vous l'ai dit schématiquement, mais c'est à peu près ça, plus de 2 décimales, et dès qu'on a 3 températures hautes, ou 4 pour valider, on peut dire, voilà, à partir de 9h ce soir, je suis infertile, jusqu'à après les règles. Et donc ça fait des fenêtres d'infertilité de à peu près 2 semaines, et des fenêtres de fertilité d'à peu près 10 jours, en fait, c'est à peu près comme ça. Quelque chose comme ça. L'infertilité, t'as dit quoi, 2 semaines à peu près? Ouais, ben du jour 18 jusqu'au jour 5 du cycle d'après. Donc ça fait à peu près ça, si on a des cycles réguliers. Ouais. Et puis, donc après on arrête la prise des températures, hein, on est tranquille jusqu'à la fin des règles. Je sais pas si c'est clair, mais... Puis c'est tu vois, dans ta manière d'en parler, c'est phénoménal la différence entre prendre une pastille tous les jours... passivement, et puis comme tu es devenue une experte de ta corporalité par cette approche, il y a un vocabulaire, toute une connaissance qui rappelle un peu ces mouvements, justement, qu'on a déjà abordé dans ce podcast de self-help, qui est de s'approprier les connaissances. C'était vraiment aussi dans l'idée, justement, de casser cette verticalité de relation médecin-patiente, avec l'idée, c'est devenu très fort avec le geste gynécologique d'observer le col de l'utérus, justement, où des femmes, ça a commencé dans les années 70, se sont dit, mais ça, on ne veut pas laisser cette vision aux professionnels, on veut la voir aussi, donc commencer à se regarder avec des miroirs, des choses comme ça. Ouais, en fait, c'est assez fascinant d'avoir cette connaissance-là sur mon corps, et de pouvoir en parler, mais il y a toujours une résistance quand on parle aux gens qui ne te croient pas ou qui ne croient pas à la fiabilité de la chose. Donc c'est toujours un peu dur, mais bon, je pense que les gens, les femmes, sont prêtes à le faire quand elles sont prêtes. Donc en fait, tu peux pas forcer les personnes à adapter cette méthode-là. Et puis il y a aussi, il faut être assez conséquent. Il faut prendre des températures aux mêmes heures, et puis il faut avoir bien dormi, pas avoir trop bu, pas avoir trop mangé, pas être en voyage. Alors moi, je fais tout l'inverse, hein. Je voyage énormément, j'aime bien boire des verres, et ça m'a jamais empêché d'avoir des observations justes, parce que je pratique ça depuis 4 ans, et j'ai eu des relations stables durant ces 4 ans aussi, et donc du coup, c'était vraiment une méthode de contraception. Je l'utilisais pas juste pour connaître mon corps, mais vraiment, je l'utilisais comme une méthode de contraception. Même au tout début, quand j'ai commencé à le faire et que j'avais des cycles super irréguliers et que je commençais avec cette méthode, donc j'étais super débutante et j'ai tout de suite mis en application la chose. Et c'est beau, je trouve, de voir que, bah voilà, je flippe un peu parce que j'ai jamais fait ça, mais allez, j'ai confiance. Là, ça me dit que c'est bon, bah vas-y, on n'utilise pas de préservatif et on essaye. Et après, c'est vrai que je suis prête et j'étais prête à avorter si j'ai tombé enceinte et que c'était une grossesse qui n'était pas désirée à ce moment-là. Et donc ça, c'est clair que je pense qu'il y a un lien là. Il faut être aussi être prête à... Enfin, c'est toujours quelque chose qui m'a accompagnée dans la réflexion et l'usage de symptômes. Oui, dans les deux sens. Je pense que c'est une méthode, effectivement, tu l'as évoqué, qui a peut-être le plus de sens dans une pratique de couple stable, parce que ça ne te protège pas des IST, donc tout d'un coup, si tu as un autre mode de vie, il faut repenser les choses différemment. Et effectivement, dans un certain niveau de vie privilégié, soit pour assumer la grossesse si elle vient, soit pour te faire avorter et avoir les moyens de le faire. Mm-hmm. Ce qui n'est pas aussi forcément donné à tout le monde... Mmh. Ouais, puis je trouve aussi que cette pratique, enfin moi, bon c'est vrai que la première fois que tu m'en as parlé, j'étais assez genre, comment ça fonctionne vraiment? Puis après quand tu m'as expliqué ce truc de méthode croisée, et puis qu'il faut aussi avoir accès à cette, il faut pouvoir avoir un thermomètre qui montre les décimales. C'est pour ça aussi que, parce que moi une chose que je t'ai demandé, c'est pourquoi est-ce que les femmes ne font pas ça depuis des centaines et des centaines d'années, tu vois, puis en fait c'est... Parce qu'il faut absolument avoir cet outil technique-là, sinon ça ne fonctionne pas. Le changement de température, il est très... Il est petit, en fait, donc c'est clair. Mais du coup, de là aussi, en fait, ma critique, pas forcément ma critique, mais je trouve quand même que c'est une pratique assez située, dans le sens où il faut avoir déjà recours à cette technique-là, cette technologie-là. Il faut pouvoir prendre sa température le soir, il faut... Le matin, excuse-moi. Il faut pouvoir prendre sa température le matin, donc avoir le temps. Il faut pouvoir aussi se faire toucher le col de l'utérus. Mais il y a plein de pratiques qui, suivant ta mode de vie, suivant ce que tu vis, suivant ton boulot, c'est pas possible. Oui, puis la formation, parce que tu as été formée. Mm-hmm. Alors déjà, c'est une naturopathe qui t'a fait connaître cette approche. Donc voilà, tu as les moyens d'aller consulter des spécialistes alternatifs, et puis je pense que tu as dû l'avoir quand même plusieurs fois pour te former ton expertise, donc ça aussi ça amène une dimension privilégiée. C'est vrai qu'il y a peut-être une question de moyens. Après, tu peux faire la méthode sans aller voir de spécialiste, parce que c'est très bien expliqué sur le site internet, et en fait il y a un autre moyen, sans voir quelqu'un directement, c'est de s'inscrire sur la plateforme Symptotherm et de là, tu t'inscris, donc il faut payer quelque chose par mois, enfin par cycle, les 12 premiers cycles, et après c'est gratuit à vie. Donc en fait, c'est un investissement pour 12 cycles, c'est quelque chose comme 30 francs, donc voilà, c'est un peu plus cher que la pilule, mais en fait après c'est gratuit à vie. Et donc là, il y a des gens qui te répondent hyper rapidement, et tu peux poser toutes les questions que tu veux, et ils ont accès aux données que tu rentres sur leur plateforme, tu as ton code, ton compte personnel privé, et tu rentres les données, toutes les données de tes observations, de tes températures. Et donc là, ils peuvent te répondre. Et donc, tu as accès à des experts qui t'aident. Mais c'est vrai que si c'est pour mettre en place une méthode de contraception directement, j'aurais tendance à vouloir aller voir quelqu'un qui m'explique en vrai. Après, si c'est juste pour t'observer toi, pour mieux comprendre, et que tu as plusieurs mois devant toi pour un peu piger le truc, bon, moi, je le ferais directement comme ça avec la plateforme. Ouais, mais c'est vraiment super... Ça, c'est le truc qui est génial avec ta méthode, c'est que ça t'apprend, bah, Alessandra l'a dit avant, mais ça t'apprend tellement sur ton corps, tu vois, et sur l'observation. Mm-hmm. Je me répète. Hein. Mais tu vois, pour juste peut-être boucler cette dimension située, par exemple, donc Symptotherme, c'est le nom suisse hein, de cette méthode, mais elle a d'autres noms dans son application au Canada, en Belgique. Et justement, il y a un site québécois qui référencie tous les sites internet qui évoquent cette approche, et il y a rien dans les pays non occidentaux. Donc tu as quand même une dimension de disponibilité d'esprit et de temps et d'argent. Alors pour des questions de temps, moi j'y crois pas, parce que la température ça prend 30 secondes, ouais. Et puis l'autopalpation pareil. Hein. Okay. Donc c'est vraiment pas... Après il faut avoir de l'intimité. Ça, c'est autre chose. Ouais, mais pour le temps, en tout cas pas. Après, pour des questions de moyens. Et puis bon, être prêt à rentrer là-dedans, ouais, je pense que ça va... Enfin, culturellement, on va dire aussi avec des guillemets, ça peut être difficile. Et puis, il faut avoir accès à un certain matériel. Ça, c'est vrai. Parce que pour aussi peut-être finir sur cette dimension de à qui s'adresse ce type d'approche, il y a, tu vois, t'as une maturité... tu vois, on se demandait si ça pouvait être quelque chose qui pouvait être transmis à des adolescentes, et avec plutôt l'envie de dire ben c'est un peu peut-être trop lourd à gérer, mais ben en fait pour beaucoup d'adolescentes, enfin la personne que j'ai vue qui m'a expliqué ça, et même mon amie qui m'en avait parlé avant, elle a commencé à faire ça très jeune aussi, parce que justement pour apprendre à connaître son corps, et en tant qu'adolescente, à mon avis, justement, il faudrait là en parler, parce que moi j'ai découvert ça tellement tard, et je trouve ça scandaleux que les jeunes filles ne sachent pas du tout de quoi il s'agit, comment ça marche, mais par contre qu'on leur prescrive directement une pilule pour bloquer tout ça. Et genre, moi j'ai pris directement la pilule 8 ans. Et j'aimerais juste souligner qu'après 10 ans, c'est vraiment dangereux. Enfin, il ne faudrait pas la prendre beaucoup plus que 10 ans dans la vie d'une femme. Et alors que ça, on ne te le dise pas à 15 ans, et surtout qu'on te dise à 17, tu vas prendre des hormones toute ta vie, ma grande. Eh ben non, enfin, voilà. Non, puis tu vois aussi toute cette représentation, c'est le spermatozoïde qui est actif, c'est l'ovule qui est passif. Tu vois, là, tu évoques toute cette agency féminine qui va contribuer à la conception. Et ça, c'est aussi génial pour une jeune femme qui commence sa vie personnelle, sexuelle, tout ça, d'avoir ses connaissances. J'en parlais à un ami et il me disait, ah, mais... le corps d'un homme est tellement ennuyeux. Toi, tu peux observer ça tous les jours. C'est génial, en fait. Et bon, lui, il est très porté sur les médecines alternatives et tout. Mais il me disait, regarde, moi, il ne se passe rien. Je ne comprends pas, il ne se passe rien. Alors que quand tu me parles, je trouve que c'est génial que tu puisses me dire tout ça sur toi. Et reste la question ouverte de est-ce qu'il ne se passe vraiment rien, ouais, ou est-ce qu'on n'a pas les clés pour sentir peut-être toutes sortes de variations de sécrétions, de choses comme ça, qui existent, d'odeurs qui existent aussi pour la gente masculine. Mais il y a un point qu'il faut qu'on aborde, parce que tout spécialiste que nous ne sommes pas de la contraception va amener, c'est par rapport à la fiabilité. Donc il y a cet indice qui s'appelle l'indice de Pearl, qui est utilisé pour évaluer toutes les différentes méthodes dont on a parlé avant. En fait, cet indice, il correspond au nombre total de grossesses non désirées survenant chez 100 femmes pendant 12 mois d'utilisation de la méthode en question. Donc c'est pas absolument un pourcentage en soi. Donc en fait, c'est plus la valeur de l'indice est basse, plus la méthode est fiable, parce que c'est le nombre d'erreurs en fait possibles. Donc par exemple, si tu as 100 couples hétéros qui utilisent le préservatif pendant une année, et que parmi eux on observe la survenue de 3 grossesses pendant cet intervalle, alors ça veut dire que l'indice de Pearl du préservatif est de 3. Et on a vu, en fait, on en a discuté avant, suivant les tableaux, il n'y a pas le même indice qui est donné à cette méthode, en précisant que cet indice, il est calculé pour un usage presque théorique du contraceptif, parce que ce serait, si on prend la pilule, ce serait de la prendre tous les jours absolument, à la même heure, enfin dans une dimension presque irréaliste de l'usage de contraceptif, et qui a après un écart entre l'usage concret, on va dire. Master. Et ce qui est précisé chaque fois par rapport à ces méthodes naturelles, c'est la difficulté. Dans l'absolu, l'indice, il est faible, il est plus faible que le préservatif. Toi, tu avais le chiffre que c'était équivalent à celui de la pilule. Ça dépend du moment du cycle, mais oui. Ouais, moi, j'avais un chiffre général. C'était 0,8, il me semble. À 1,8. 1,8, alors que pour le préservatif, c'est 2,3, justement. Mm-hmm. Donc, super bon. Mais avec la complexité de comment l'usage va être mis en pratique, pour, tu vois, entre cet écart entre un usage théorique et pratique. Et là, il y a vraiment toute cette période d'expertise à acquérir qui va peut-être faire la différence. Bah oui et non, parce que comme je vous l'ai dit avant, j'ai commencé tout de suite à l'utiliser comme une méthode contraceptive alors que j'avais pas du tout les outils, enfin j'avais pas le recul de 4 années d'expérience. Oui. Et ça a toujours fonctionné. Mais bon, j'étais super et je suis toujours super attentive et si j'ai un doute, j'utilise une méthode mécanique de contraception et j'étais intransigeante. Parce que si j'étais prête à avorter, c'est pas non plus que j'avais envie d'avorter, tu vois. Et ça, il y a aussi... je connais des gens... j'ai entendu des histoires de gens qui ont fait sympto et qui sont tombés... Enfin, des femmes qui sont tombées enceintes. Voilà. Moi, je dis, comme je le fais, je crois que j'ai confiance en moi. Et après, si toi, tu crois que t'as pas validé ton... Enfin, si t'as pas validé ton observation, ben... Voilà. Qu'est-ce que tu veux ? Mais c'est difficile. Ouais, c'est ça. Puis ça, par exemple, quand on parlait d'adolescente avant, ben ça, justement, ça peut être quelque chose qui peut être difficile parfois. Je pense juste à mon propre expérience d'adolescente. C'est il y a tellement de pression aussi, tu vois, par rapport à la sexualité dans un cadre hétérosexuel comme ça quand t'es ado. Et que parfois, voilà, t'es avec quelqu'un et le préservatif, il est pas mis. Et ça peut parfois être hyper difficile. Non, mais juste que ça peut être... Il peut y avoir des pressions comme ça au sein de la sexualité adolescente. Voilà, ou pour ma part, je suis contente dans ces moments d'avoir pris la pilule. Mais je me demande si le préservatif, il n'est pas aussi peu mis par les jeunes, parce que les 3/4 des jeunes femmes prennent la pilule. Ouais. Et ça, c'est aussi... On déresponsabilise quelque part aussi les jeunes femmes qui prennent la pilule par rapport au MST parce qu'elles sont protégées et du coup elles pensent pas forcément à mettre un préservatif dans des rapports un peu libres avec hétérosexuels libres où elles ont pas forcément de partenaires réguliers on va dire. Et puis là, je trouve que justement, Sympto, ça responsabilise, vu que c'est des questions de contraception, t'as doublement intérêt, et de protection contre les MST, t'as doublement intérêt à faire gaffe à ça. Mais c'est vrai qu'on peut se demander dans quelle mesure une adolescente, elle est capable de vraiment faire gaffe, ou d'avoir confiance en ses observations et tout ça, mais moi je pense qu'il faut avoir confiance, enfin... Non, c'est clair. Et comment, non, de toute façon, nous, on n'est pas spécialistes dans le sujet. C'est vraiment une discussion maintenant. Et toi, c'est aussi ton expérience personnelle. Après, aussi avec ce que tu as pu apprendre par les spécialistes. Mais ouais, je trouve que ça, quand même, il y a des questions qui montent. Ouais, non, c'est clair. Mais on peut se demander aussi la capacité des jeunes femmes à prendre la pilule effectivement à la même heure. Tout à fait. Et tout ça. Fait. Ouais, donc en fait, c'est toujours un peu la même question. Après, mais comme tu disais. Pour revenir aussi à cet indice de Pearl, ça me fait penser à ce truc que. Voilà aussi, les gens font des utilités, enfin, ils n'utilisent pas exactement pareil les choses, mais les gens aussi ont des corps très différents. C'est pas parce qu'on est identifié comme femme qu'on a le même corps et le même fonctionnement de corps que toutes les autres femmes. C'est vraiment, et ça, il y a quelque chose en médecine qui est très dangereux là-dedans, c'est qu'on fait des modèles, souvent c'est la femme blanche en bonne santé et l'homme blanc en bonne santé. Et après, c'est tout c'est tout fabriqué à partir de ces modèles-là, et c'est aussi mesuré à partir de ces modèles-là. Et voilà, ça fait clairement des résultats biaisés, quoi. Puis pas que mesuré, c'est du coup tout un discours. Tu vas dire, ben, vous voyez, ça c'est le plus fiable, ça c'est le moins fiable. Il y a des enjeux, c'est pas pour rien qu'en tombant sur 3 tableaux, je trouve 3 chiffres différents. Enfin, c'est bien parce qu'il y a une construction qui n'est pas forcément du tout objective et neutre. Et où il y a plein de biais et de complexités qui sont assez obscures. Ouais. Mais ce que je trouve beau aussi dans ta pratique contraceptive, c'est que tu as vraiment ce plaisir en fait d'en parler, du coup, parce que tu m'en as déjà parlé en dehors du pod il y a quelques semaines. Puis on sent vraiment que tu as découvert quelque chose là, que tu as envie de partager. Bon, moi je t'ai vu qu'en parler avec d'autres femmes, mais tu m'as aussi dit là que, enfin, tu viens de nous dire que t'en as parlé avec des amis hommes, tu vois. C'est hyper chouette ce truc que ça t'a donné cette envie là de partage. Ouais, ben après il y a des moments où je me tais aussi, plein de moments, parce que je sais que ça va être mal reçu, que je sais que voilà, les gens vont pas comprendre. Et même si des fois je teste un peu le sujet parce qu'on en parle entre amis, et je vois qu'il n'y a pas de répondant, et là voilà, je me dis bon, je vais pas aborder la chose parce qu'il y a vraiment les mentalités, les gens sont pas prêts à entendre ça non plus. Et puis il y a aussi un côté, j'ai pas envie entre guillemets de m'emmerder, à prendre ma température, à m'observer, je suis pas assez fiable. Et moi je vous dis, je suis quelqu'un de très peu fiable dans mon style de vie. Enfin, je veux dire, je ne me lève, ouais, que je ne me lève, non, je veux dire, je me lève jamais à la même heure, je prends jamais mes températures aux mêmes heures alors qu'il faudrait. Je dors pas assez, je voyage beaucoup trop. Enfin voilà, donc. Ouais. Moi, j'avais encore aussi, en ce qui me concerne, une dernière question. En fait, c'est deux questions un peu en une. Parce que j'ai vu que sur le site de cette méthode ou d'autres, on évoquait une contraception de couple. Et puis, je me demandais comment toi, tu vivais cette notion de couple. Parce que quand on regarde ça aussi d'un aspect genré, c'est de nouveau un poids qui est mis sur le quotidien. Des femmes. Et alors voilà, comment toi tu sens, tu vis ça, tu vois, par rapport à cette dimension de couple ou individuelle ou... Bah, c'est vrai que c'est du coup une responsabilisation de nouveau de la femme, en fait, en quelque sorte, par rapport aux questions de contraception, comme si ça n'avait à faire qu'avec elle. Mais mon expérience personnelle, c'est que quand il a fallu parler de prendre le préservatif, d'utiliser le préservatif, avec des phases d'infertilité où c'était possible de faire sans. Et puis qu'avant, bah, avec une pilule ou un anneau, ça ne se posait pas comme question. Là, c'est vrai qu'il y a eu des réticences de la part de mon ancien partenaire. Et là, je lui dis, écoute, il me semble qu'on en avait parlé plusieurs fois, je lui dis, bah, tu te débrouilles. Si tu veux trouver une méthode alternative, il y a des méthodes pour les hommes qui existent, je te laisse te renseigner. Et si tu viens avec une autre méthode et que tu me proposes un truc qui tient la route, on essaye. Mais moi, je fais mon truc. En plus, moi, ça me parle de me connaître et tout ça. Et donc, si toi... Voilà, tant que toi, t'amènes pas une autre solution, on fait comme ça. Donc, il y avait aussi quand même quelque chose là de dire, voilà, je défends cet espace qui est le mien. Mais dans sa remarque, c'était... ça va plus, qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, j'ai c'est vu... C'est un peu ton corps qui va devoir passer par une nouvelle étape de contraception. C'est pas forcément un truc qui... Non, c'était pas forcément ça, mais c'était que lui, du coup, je me suis rendu compte à quel point c'était en fait familier et normal pour un homme de son âge de dire « Ah, oh, mais c'est à toi de te débrouiller avec ces questions-là. » Ouais. Mais c'était assez, du coup, je me suis rendu compte de ça, comme tu dis, que généralement, on laisse la femme se charger de sa contraception, en fait, parce que c'est elle qui va porter l'enfant. Mais ça revient peut-être à une contraception de couple, parce que ça pose des questions qui vont secouer le couple, c'est-à-dire comment chacun et chacune s'approprie ça, comment... Donc peut-être que, contrairement à ce que dit le site, c'est pas une contraception de couple, mais c'est une contraception qui va venir interroger la dimension du couple. Ouais, ça, et puis qui va aussi... Du coup, tu vas devoir énoncer quand même tes jours de fertilité et d'infertilité, donc ça amène aussi ton cycle quelque part dans un débat dans le couple, tu vois. Ouais. Quasiment ça, public, ouais. En fait. Ouais. Ben ça, c'est assez... Enfin, moi, je trouve assez chouette. Mais tu vois ce que... Parce que là, on dit, ouais, ça met la responsabilité sur les femmes ou la femme qui utilise cette méthode-là. Mais je trouve quand même qu'il y a une notion un peu peut-être d'agency, comme tu disais, ou d'empowerment, mais en tout cas, tu vois, d'apprendre sur soi et pas de prendre sur soi. qui est contraire, enfin qui a pas vraiment de rapport avec la pilule, parce qu'avec la pilule c'est vraiment ce truc un peu genre ok, je lâche mon corps, tant pis si je lui fais du mal, c'est pour une bonne cause. Et je trouve que les femmes déjà ont fait tellement ça pour plein de choses où c'est bon, je prends sur moi, c'est pas grave, encore tu vois, je peux encore me user encore un peu. Puis là c'est vraiment, c'est un peu le contraire, c'est non, je vais pas avaler encore des trucs, je vais pas bouffer des machins que j'ai pas envie de bouffer, et je vais apprendre à connaître mon corps et prendre contrôle sur ça. C'est vraiment un déplacement comme ça. Ouais, c'est clair. Ouais, de pouvoir en parler, c'est bien. Et après, bon, là, ça a peut-être un peu rien à voir. Mais il y a aussi, je ne sais pas combien de femmes prennent la pilule, mais bon, en Europe, c'est énorme. Et maintenant, on commence à avoir des enjeux écologiques à ça, parce que les œstrogènes, c'est quand même un micropolluant qu'on ne peut pas traiter dans l'eau et qui se retrouve dans nos urines, donc dans les eaux polluées, et qu'on ne peut pas évacuer du système écologique. Et donc, du coup, peut-être qu'on va, on va en discuter. Et donc, du coup, on retrouve des œstrogènes en beaucoup trop grande quantité dans nos écosystèmes. Et ça amène une infertilité chez énormément d'animaux, et surtout chez les, bah, chez les poissons, parce que dans l'eau, voilà, il y a énormément d'œstrogènes. Et on arrive avec des taux d'infertilité qui touchent toute, toute la faune. Et là aussi, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec le corps des femmes et aussi avec le reste de l'environnement ? Parce qu'à terme, c'est pas possible. Alors, je dis pas qu'il faut remplacer toutes les pilules par des piqûres de testostérone pour fertiliser les hommes, pour inverser la tendance. Mais on pourrait, enfin, mais non, ce serait pas le but. Ce vasagène-là, il serait sans hormones, ils ont de la chance. Ouais, tu vois, c'est ça. Ce qui est dans l'air, pour eux, serait non hormoné. Mais il faut enfin aussi commencer à réfléchir à ça. Oui. Et ça, c'était aussi un petit plus, parce que j'ai beaucoup de... Enfin, je suis très écologiste. Enfin, je suis très sensible aux problématiques écologiques. Et donc, ouais, pour moi, c'était très important aussi d'arrêter de diffuser comme ça des œstrogènes dans la nature sans vraiment y réfléchir. Bah d'ailleurs, c'est un terme qui est repris par justement cette approche d'écologie contraceptive. Où dans cette dimension, il y aurait la démarche symptothermique, une meilleure éducation sexuelle, tu vois, on l'a abordé, une sexualité de meilleure qualité, bon ça on ne sait pas ce que c'est une meilleure qualité, et de prise en charge plus responsable des corps. Mais voilà, on retrouve, j'aimais bien cette idée d'écologie, parce que de nouveau, ça fait concevoir un ensemble en fait, de facteurs. Mm-hmm. Bah oui, on vit tous dans un système, et puis du coup, on est tous codépendants et interdépendants. Donc là, c'est bien de pouvoir aborder ça et de parler de sexualité et de contraception avec une vision beaucoup plus large et holistique de la société et qui interagit avec son environnement aussi. Yes. Et on va clore ici, ça fait un super long podcast cette fois-ci. Passionnant. Ouais, merci beaucoup Alina. Merci à c'est vous. C'est trop bien que tu sois venue. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu en discuter avec vous. Et moi j'aimerais juste, avant qu'on éteint, dire que j'espère que dans 2 semaines on va parler de l'exposition Voie lactée, qui est une exposition sur l'allaitement et ses représentations et les politiques autour de l'allaitement, qui a lieu maintenant dans le bâtiment de l'UNIMAI. Dans le bâtiment de l'université qui se trouve en face du MEG à Genève. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, Boulevard Carl Vogt, allez-y, c'est vraiment assez bien foutu. Parfait. Bonne quinzaine. Cheers. Ciao. Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique. Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour écouter les autres épisodes, rendez-vous sur notre site crépidule.com avec crépidule au pluriel. Vous y trouverez aussi des publications post-pod avec des liens et des infos pour aller plus loin sur les thématiques abordées. Vous pouvez aussi écouter Crépidule depuis iTunes.